descend, fait gémir les cyprès penchés sous le vent. La lumière tremble encore, la colline s'efface, silencieux, invisible bonheur qui passe. Faut s'aimer encore, se serrer plus fort, l'océan te jette, la terre se défend. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer plus fort. Thank you.